La peste de Marcel Schwab. Moi, Bonacorso de Neri de Piti, fils de Bonacorso, gonfalonier de justice de la commune de Florence, dont l'écu fut couvert en l'an 1401 par ordre du roi Rupert, dans la cité de Trente, du lion d'or rampant, je veux raconter pour mes descendants anoblis ce qui m'arriva quand je commençais à courir le monde pour chercher l'aventure. L'an 1374, étant jeune homme sans argent, je m'enfuis de Florence sur les grandes routes avec Matteo pour compagnon. Car la peste dévastait la cité. La maladie était soudaine et attaquée dans la rue. Les yeux devenaient brûlants et rouges, la gorge rauque, le ventre enflé. Puis la bouche et la langue se couvraient de petites poches pleines d'eau irritante. On était possédé par la soif. Une toux sèche secouait les malades pendant plusieurs heures. Ensuite, les membres se raidissaient aux articulations. La peau se parsemait de taches rouges, gonflées, qu'aucun homme bubon. Et finalement, les morts avaient la figure distendue et blanchâtre, avec des meurtrissures saignantes et la bouche ouverte comme un cornet. Les fontaines publiques, presque épuisées par la chaleur, étaient entourées d'hommes courbés et maigres qui tâchaient d'y plonger la tête. Plusieurs s'y précipitèrent, et on les retirait par les crochets des chaînes, noirs de vase et le crâne fracassé. Les cadavres brunissants jonchaient le milieu des voies par où coule dans la saison le torrent des pluies. L'odeur ne pouvait se supporter, et la crainte était terrible. Mais Matteo était grand joueur de dés. Nous nous égayâmes sitôt la sortie de la ville et nous bûmes à la première hôtellerie du vin mêlé pour notre salut de la mortalité. Là, il y eut des marchands de gênes et de pavis, et nous les défiâmes, le cornet à dés en main. Et Matteo gagna 12 ducats. Pour ma part, je les conviai au jeu de table, où j'eus le bonheur de remporter un gain de 20 florins d'or, desquels ducats et florins nous achetâmes des mules et un chargement de laine, et Matteo, qui avait délibéré d'aller en Prusse, fit provision de safran. Nous courûmes les chemins de Padoue à Vérone, nous revînmes à Padoue pour nous fournir plus amplement de laine, et nous voyageâmes jusqu'à Venise. De là, passant par la mer, nous entrâmes en Sclavonie et visitâmes les bonnes villes jusqu'aux confins des Croates. À Buda, je tombai malade de la fièvre, et Matteo me laissa seul à l'hôtellerie, avec 12 ducats, retournant à Florence, où l'appelaient certaines affaires et où je devais le rejoindre. Je gisais dans une chambre sèche et poussiéreuse, sur un sac de paille, sans médecin, et la porte ouverte sur la salle à boire. La nuit de la Saint-Martin, il vint une compagnie de fifres et de flûtistes, avec quelque 15 ou 16 soldats vénitiens et tudesques. Après avoir vidé beaucoup de flacons, écrasé les tasses d'étain et brisé les cruches contre les murs, ils commencèrent à danser au son du fifre. Ils passèrent par la porte leur trogne rouge, et me voyant allongé sur mon sac, se mirent à me tirer dans la salle en criant « Ou tu boiras, ou tu mourras !» Puis me bernèrent, tandis que la fièvre me battait la tête, et finirent par me plonger dans la paille du sac dont ils lièrent l'ouverture autour de mon cou. Je suai abondamment, et ma fièvre en fut sans doute dissipée, tandis que la colère me venait. Les bras étaient empêtrés, et on m'avait ôté mon basilaire, sans quoi je me serais rué, ainsi hérissé de paille, parmi les soldats. Mais je portais à la ceinture, sous mes chausses, une courte lame engainée. Je réussis à glisser ma main jusque-là, et par son moyen, je fendis la toile du sac. Peut-être que la fièvre m'enflammait encore la cervelle, mais le souvenir de la peste que nous avions laissée à Florence, et qui depuis s'était répandue en Sclavonie, se mélangea dans mon esprit à une sorte d'idée que je m'étais faite du visage de Sylla, le dictateur des Latins dont parle le grand Cicéron. Il ressemblait, disaient les Athéniens, à une mûre saupoudrée de farine. Je résolus de terrifier les gendarmes vénitiens et tudesques. et comme je me trouvais au milieu du réduit où l'hôtelier enfermait ses provisions et les fruits de conserve, j'eus rapidement éventré une poche pleine de farine de maïs. Je me frottai la figure de cette poussière, et, lorsqu'elle eut pris une teinte qui n'était ni jaune ni blanche, je me fis de ma lame une éraflure au bras d'où je tirai assez de sang pour tacher irrégulièrement l'enduit. Puis je rentrai dans le sac et j'attendis les bandits ivrognes. Ils vinrent en riant et en chancelant. À peine eurent-ils vu ma tête blanche et saignante qu'ils s'entrechoquèrent en criant « La peste! La peste !» Je n'avais pas repris mes armes que l'hôtellerie était vide. Me sentant rétabli, à cause de la transpiration que m'avaient imposée ces ruffians, je me mis en route pour Florence afin de rejoindre Matteo. Je trouvai mon compagnon Matteo errant par la campagne florentine et assez mal en point. Il n'avait pas osé pénétrer dans la cité pour la peste qui continuait à y rager. Nous rebroussâmes chemin et nous dirigeâmes en quête de fortune vers les états du pape Grégoire. Montant vers Avignon, nous croisions des bandes d'hommes armés, portant lances, piques et vouges, car les citoyens de Bologne venaient de se révolter contre le pape à la requête de ceux de Florence, ce que nous ignorions. Là, nous fîmes des jeux joyeux avec les gens d'un parti et de l'autre, tant aux tables qu'aux dés, si bien que nous gagnâmes environ 300 ducats et 80 florins d'or. La cité de Bologne était presque vide d'hommes, et nous fûmes reçus aux étuves avec des cris d'allégresse. Les chambres n'y sont pas jonchées de paille comme en beaucoup de villes lombardes. Les grabats n'y manquent pas, quoique les sangles soient rompus pour la plupart. Matteo rencontra une Florentine de sa connaissance, Mona Giovanna. Pour moi qui ne pensais pas à m'enquérir du nom de la mienne, j'en fus content. Là, nous bûmes d'abondance et du vin épais de la contrée et de la cervoise, et nous mangeâmes confitures et tartelettes. Matteo, à qui j'avais conté mon aventure, feignant d'aller au retrait, descendit dans les cuisines et revint accoutré en pestiféré. Les filles des étuves s'enfuirent de tous côtés, poussant des cris aigus, puis elles se rassurèrent et vinrent toucher, encore peureuses, la figure de Matteo. Mona Giovanna ne voulut pas retourner avec lui et resta tremblante dans un coin, disant qu'il sentait la fièvre. Cependant Matteo, ivre, posa la tête parmi les pots sur la table que ses ronflements faisaient trembler, et il ressemblait aux figures de bois bariolées que les banquistes montrent sur les estrades. Finalement, nous quittâmes Bologne, et après diverses aventures, nous arrivâmes près d'Avignon, où nous apprîmes que le pape faisait mettre en prison tous les Florentins et les faisait brûler, eux et leurs livres, pour se venger de la rébellion. Mais nous fûmes avertis trop tard, car les sergents du maréchal du pape nous surprirent pendant la nuit et nous jetèrent à la prison d'Avignon. Avant d'être mis en question, nous fûmes examinés par un juge et provisoirement condamnés au cachot bas jusqu'à information avec le pain sec et l'eau, ce qui est la coutume de la justice ecclésiastique. Je parvins toutefois à cacher sous ma robe notre sac de toile qui contenait un peu de polenta et des olives. Le sol du cachot était marécageux, et nous n'avions d'air que par un soupirail grillé qui s'ouvrait à ras de terre sur la cour de la conciergerie. Nos pieds étaient passés dans les trous de ceps très lourds de bois, nos mains liées à des chaînes assez lâches, de telle manière que nos corps se touchaient depuis le genou jusqu'à l'épaule. L'huissier du guichet nous fit la grâce de nous dire que nous étions en suspicion de poison, car le pape avait su par certains ambassadeurs que les gonfalonniers de la commune de Florence entretenaient le dessein de le faire mourir. Nous étions ainsi dans la noirceur de la prison, n'entendant nul bruit, ne sachant pas l'heure du jour ni de la nuit, en grand danger d'être brûlés. Je me souvins alors de notre stratagème, et il nous vint l'idée que la justice papale, par terreur de la maladie, nous ferait jeter dehors. J'atteignis avec peine ma polenta, et il fut convenu que Matteo s'embarbouillerait la figure et se tacherait de sang, tandis que je crierais pour attirer les sbires. Matteo disposa son masque et commença des hurlements rauques, comme s'il avait la gorge prise. J'invoquai la Notre-Dame en secouant mes chaînes. Mais le cachot était profond, le portail épais, et il faisait nuit. Pendant plusieurs heures, nous suppliâmes inutilement. Je cessai mes cris. Cependant, Mathéo continuait à geindre. Je le poussai du coude afin qu'il se reposât jusqu'au jour. Ses gémissements devinrent plus forts. Je le touchai dans l'obscurité. Mes mains n'atteignaient que son ventre qui me parut gonflé comme une outre. Et alors, la peur me saisit. Mais j'étais collé contre lui. Et tandis qu'il criait d'une voix enrouée, « À boire! À boire !» jusqu'à ce qu'il me semblât entendre l'appel désespéré d'une meute lâchée, le rompal du jour levant tomba du soupirail. Et alors, la sueur froide coula sur mes membres, car sous son masque poudreux, sous les taches de sang desséchées, je vis qu'il était livide, et je reconnus les croûtes blanches et le suintement rouge de la peste de Florence.